baby, dis-moi pourquoi tu fais la tête. J'ai l'impression que t'es pas prête à recevoir tous mes compliments. Baby, jamais je n'oserais me lancer. Je t'ai vu tous les repousser. Bébé, viens dansons doucement. T'es trop fraîche, oh là là. T'as trop swag, oh là là. Mais tu fais ta princesse, oh là là. Hey, malgré tes manières, tu sais m'embouquer. Quand tu danses, tu le manges. Hey, oh oh, hey, oh oh, hey, oh oh. Quand tu bouges, quand tu danses, tu le manges. Hey, oh oh, hey, oh oh, hey, oh oh. Quand tu bouges, quand tu danses, tu le manges. Quand elle s'avance sur la piste, tout le monde fait. Oh. Les gars qui ont du vice, elle repousse. Oh. Les avances des beaux gosses, les risques pareils. Hey. Je m'en vais tenter ma chance. Dans la sexy, la cadence. Couleur à sens, je l'ai déhanché. C'est chaleur quand elle danse. Et doucement, et lentement. Malgré ses manières, elle m'a envoûté. Et doucement, lentement, foyer. Quand tu bouges, quand tu danses, tu le manges. Till the month, eh?